Gusset. Il est 20h. D'enfer sur Argousset 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream. Bonsoir Slasher. Bonsoir Sylval. Bonsoir Kathleen. Bonsoir. Bonsoir Kathleen. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui autour de la table, on va dire demi-ronde. Oui. Et oui. Ronde peut-être, en compagnie de Kathleen, de Sylval et du Slasher. Oui. Et d'ici un petit quart d'heure, on aura un groupe de la région, si je peux dire. Tu connais un peu plus que nous. C'est ça, c'est de la région moncronoise. Moi, c'est je connais principalement le chanteur, quoi. Mais les autres membres, ils sont aussi environ de la région, quoi. C'est ça, de la région, alors. Et le groupe, c'est les Stunge. Les Stunge, et ils viendront nous présenter leur album ou leur EP. C'est un EP 4 titres, 5 titres ou un album. Il me semble, d'après ce qu'ils m'ont dit, que c'est un album. Mais je sais pas combien il y a de titres, donc on pourrait peut-être dire que c'est un EP, ça, on saura quand ils seront là. D'accord. Et toi, Sylvain, en forme, ça a été ton week-end? Écoute, j'ai passé un super bon week-end. Hein. Comme tous les week-ends. Non, pas comme... Enfin, en ce moment, oui, c'est vrai que je bouge beaucoup. Écoute, vendredi, j'ai passé une excellente soirée. C'est bien, ça. Tu devines qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu Overdrivers. Les Overdrivers. En chair et en os. En os et en chair. Voilà. C'était génial. Oui. Et le lendemain, tu allais voir... Children of Bodom. Donc, il y avait bien du monde. Une sacrée ambiance, je vais pas dire. Super ouais. Bien. Ça a bien pogoté. Il y a eu l'ambulance qui est arrivée en fin de soirée. Ah ouais? Ah ouais, ouais, bah ça pogote d'enfer ce truc. D'accord. Ouais, c'était bien, bonne ambiance, de bonnes rencontres, enfin comme d'habitude quoi. Non, je veux pas dire, j'ai passé un bon moment. Bon, tu sais comme moi, j'ai préféré Overdrivers. Bah on est rock'n'roll ou on n'est pas, on est rock'n'roll dans l'âme ou pas. Hein. Alors, Kathleen, encore quelques jours, encore une semaine de dodo pour le Steel Panther? Ouais, encore une semaine de dodo. Ouais, j'ai déjà prévu. Hein. C'est leur prochain album, il sort vendredi. Ouais, c'est ça. Et j'étais en train de regarder si j'y allais vendredi, parce que je suis en horaire coupé au travail, si j'y allais entre deux ou si j'y allais samedi. Mais samedi, il y a le carnaval à tourner, donc je ne sais pas trop. Je me tâte. Fais attention. Aller hein. Chercher l'album. Ouais. Je vais tu veux que je te le prends. Bah écoute, moi je vais, je pensais aller à Courtrai, mais si tu vas voilà, je vais à Courtrai, je vais chez mon ami Jacques. Ah bah, là là, on a notre petit contact ici. Ouais, voilà, je crois qu'on va tous se fournir là-dedans. Hein. Voilà, alors Slasher, ça va en forme aussi? Oui, et toi? Très bien, ta journée scolaire, ça s'est bien passé? Oui. Un peu mouvementé aujourd'hui, ta journée scolaire. Hein. Oui. Voilà, oui. Il a fait un peu son Frankenstein, mais bon, ça c'est autre chose. Allez, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Boneyard Dogs, avec Motherload, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et on retrouvera bien entendu la Slasher Song, la Sylval oui. Song, et peut-être deux, trois titres que tu auras sélectionnés aussi. Tout à fait. Voilà, ah, j'ai préparé mes petits titres, mes nouveautés, mes groupes, ainsi de suite. Comment t'arrives à faire tout ça? Je ne sais pas. Je dors wow. Plus, moi. Je ne dors plus avec toi. Voilà. Non, avec moi, non. Pas avec toi. Ça va être encore une fois mal interprété. Ça va mal être interprété. Est-ce que Monsieur Scream est bien mon collègue de travail? Ce n'est pas mon mari. Oui. Monsieur Scream est cougar. Ne l'oublions pas. Elle trouve des cheats dans la lessive, c'est sûr. Et voilà, moi, je suis déjà trop vieille pour lui. Allez, Boneyard Dogs, c'est tout de suite, c'est maintenant. Fire inside to smolder its last breath. Eh ben, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, hein, les Boneyard Dogs avec Motherland. Donc d'ici quelques minutes, hein, on aura nos invités qui seront là. Hein, mais ils sont là. Ils sont là, mais enfin, ils seront sur antenne bientôt, dans quelques minutes. Ils sont en chair et en os à côté de nous. Mmh. Mais j'ai commis l'irréparable quand même aujourd'hui. C'est très rare de notre part. Mais, t'as oublié voilà. un RIP. Et il est là. On va s'écouter un hommage à un grand, grand monsieur qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Donc, Chuck Berry. Et on va s'écouter un Johnny B. Goode. Il a été très, très influent dans le milieu du rock'n'roll, du hard rock, entre autres, notamment le fameux pas de Angus Young. Il a été le chercher chez Chuck Berry. Quand on avait l'occasion de faire une interview de Angus Young, on lui demandait quel est le dernier album que tu écoutes. Il vous disait tout simplement un album de Chuck Berry. Il a énormément influencé. Et nous, notre hommage ici dans Rive d'Enfer, c'est un bon Chuck Berry avec un bon Johnny B. Goode. Learned to read.

Eh ben, je kiffe tout à fait le New Body Count, hein, franchement, Civil War avec le père Mustaine, on le reconnaît très très fort au toucher. Alors, bah, ce soir, on reçoit donc un groupe moucronois. Un joli touché, hein, avec une bonne, avec sa dinky. Ça a bien glissé, ça a été. Bah écoute, pour une première fois, c'était. On peut pas commencer comme ça. Une première fois, c'est sympathique. Alors voilà, donc on se retrouve avec les membres de Stunge, donc groupe moucronois, je tiens bien. Donc 100%. De 100% moucronois. Eh ben, on va un peu, je vais un peu vous laisser vous présenter, hein, et vous me dire ce que vous jouez comme instrument, soit du fouet ou de la flûte traversière ou des choses comme ça. Donc voilà, on va commencer de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est comme vous voulez. On va commencer par moi, par principal. Après, on attaquera un petit peu facultatif. Ça commence mal. Salut, je m'appelle Ben, je suis guitariste chanteur. On compose ensemble, mais voilà, au niveau des textes, c'est moi qui écris tous les textes, quasi. Je fais du triangle à mes heures perdues. Mais bon, d'accord. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Bon. Bah, moi, c'est Ludo. Moi, je suis batteur. Alors, j'essaye du moins. Quoi dire ? Non, on a un petit groupe de moucrons, donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. 100%. Ça fait quelques temps qu'on tourne dans la région. On t'a demandé de te présenter, toi. Mais je me présente, mais je sais pas. Bah, vas-y, Kevin, alors on va continuer après. Vas-y. Non, mais il faut les cadrer, ces gens-là. Après, ça va partir en caca. Je suis habillé, donc tu vois, je suis un peu perturbé d'habitude. Je suis assez léger quand je fais des trucs. Tu vois, je suis habillé, je me sens pas bien. C'est ça, j'ai trop chaud. Même moi, je suis perturbé parce que d'habitude. On t'a jamais connu vraiment en textile, toi. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Trop tôt. Bon, sinon, bah voilà, salut, moi c'est Kev, je suis guitariste du groupe. Je donne aussi des cours de guitare à la Prairie de Moucron. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à tous les ceux de vente de pute qui nous écoutent. Ouais. D'accord. À tous les ceux de vente de putain, la ils vont comprendre. Le truc de mal. À mon avis, tous les ceux de vente de pute. Il y avait un mot à passer. À mon avis, ils se reconnaîtront. Voilà. Voilà. C'est spécial dédicace, hein, voilà, merde. C'est... Pourquoi voilà. pas ouais. Donc, pourquoi déjà ce nom Stunge, Stunge justement, et depuis combien de temps êtes-vous sur les routes, je veux dire, moucronoises et autres aussi? Aussi parce que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu où vous avez été joué. Hein, donc, ouais. Quand on dit un petit groupe moucronois quand même, vous avez quand même de la bouteille derrière vous quand même. Ça fait, on a commencé le groupe il y a 4 ans maintenant sous Triwix. Mm-hmm. Avant, on s'appelait Triwix. Pour des raisons, on a un joli t-shirt qui est là, ça c'est beau. Ah. Un collecteur. Du collecteur, un collecteur. Ouais, et... Tombe pas. On voit qu'elle a l'habitude d'aller au concert style Panthère. Voilà. C'est moi. Triwix, c'était nous. Alors on a changé de nom ici dernièrement, donc on est resté 3 ans sur cette appellation-là. On a changé de nom pour la simple raison, c'est que la majorité des gens n'étaient pas anglophones, et donc c'était des fois très compliqué et très bizarre d'aller chercher des affiches pour le nom du groupe. Quand t'as quelqu'un qui parle pas anglais, tu dis « Bonjour, on vient chercher des affiches pour Triwix », et qui dit « Quoi ? Non, ça n'existe pas. » Ah, trois wek. Ah oui, ça j'ai. Ça c'est bien mon chrono. Ok, alors, déjà là tu dis « Ok, merde, ça c'est un peu bête. » Et quand tu recherches sur internet, bah, quand tu tapes Triwix, t'as beaucoup de choses sauf de la musique qui commence par là. Donc on s'était dit « Tiens, c'est pas très facile de nous retrouver, notre site internet, notre page Facebook à cette époque-là. » Et c'est là qu'on est parti, que j'ai lancé un pavé dans la mare en disant « Bah, il est peut-être temps qu'on change de groupe, de nom de groupe, parce que comme on va faire un album, il faudrait que ce soit plus facile pour nous. » C'était l'occasion, en gros, de changer, quoi. Voilà. Donc on a dit, on va changer le nom et donner le nom du groupe à l'album. Comme ça, voilà, c'était l'occasion. Un album éponyme. Un album éponyme. Et vu qu'il y avait eu un peu de passage aussi de quelques musiciens, et que maintenant, bon, on est full, à trois, on est complet. Voilà. Donc on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de marquer le coup. Il y a assez d'ego dans une même pièce, après on sait plus prendre voilà. personne. Ouais. Petite question. Vas-y, vas-y, c'est une question. Vous tournez Belgique, France ou Hollande, un peu plus loin? Pour le moment, plus Belgique, France. Si on peut aller plus loin, on serait très content de le faire aussi. On cherche aussi, je tiens à le préciser, à quelqu'un qui pourrait nous dater. Donc on cherche un tourneur, en fait. Un tourneur. Voilà. Ça, l'appel est lancé. N'importe qui peut venir nous voir. On regarde ensemble les conditions. Et voilà. Donc, parce qu'on a une vie professionnelle qui est déjà bien remplie. Chacun de notre côté, on a différentes activités complémentaires. Et aller à la recherche de dates maintenant, ça commence à être de plus en plus. On a été sur nos acquis, sur nos connaissances, les invitations, donc c'est chouette. On a bien tourné. Maintenant, bon, pour aller un peu plus loin, on va être obligé de trouver quelqu'un qui. Puis on adore faire du neuf, donc on aime bien aller dans des endroits qu'on n'a jamais été. Donc, à un moment donné. Qu'est-ce que vous faites comme style de concert? Quel genre de bar? Habillé, non habillé. Avec string, sans string, ça dépend. J'ai bien précisé quel genre de bar. Non, franchement, on n'est pas regardant. Honnêtement, on a déjà fait des grosses scènes entre parenthèses, des petites scènes café. Et même des mariages. Et même des mariages, on a vraiment tout fait. On a fait des versions acoustiques et électriques. Mais bon, ce que nous, on affectionne quand même, on aime bien les petits cafés parce qu'il y a toujours une bonne ambiance. La grosse scène, c'est chouette, c'est vrai. Mais on aime bien ce côté. J'aime bien le contact avec les gens directs. Style comme le El Diablo, tout ça Ouais, Lille, ouais, pas de problème. C'était ouais. D'accord. Voilà, on aime bien ça. Et la bière de. Sentir la bière qui se renverse sur on le sol. On fait une petite dédicace à Charlie Apec, on joue souvent chez lui. Ah oui, je connais très bien. Et on aime bien aller jouer là-bas parce que justement, on est très très proche et c'est chouette. Maintenant, on a tourné pas mal, on a déjà joué au Cornouaille à tournée. L'Herbe Haute, ici dans la région de Café de Moucron, je pense qu'on a quasi tout fait. On les a tous fait, on a tout fait. Ouais, non. On en a même fermé quelques-uns. Ouais, à chaque fois qu'on. On va dire ça parce qu'après les gens. Non, parce qu'après, ils vont plus t'avoir. Non, ils vont jouer, mais après on ferme. Comment vous pouvez définir votre style musical? On va dire facilement, on est des enfants des années 90. Donc on a été élevés à l'époque de Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. Pearl Jam peut-être. Pearl Jam, Rage Against the Machine, Offspring. Et je pense que dans l'album, on l'entend, on a vraiment ces influences-là. Maintenant, on fait quelque chose qui nous plaît. Et c'est vrai que c'est un petit peu, pas dire que c'est pas démodé, mais c'est plus d'actualité. Maintenant, c'est fort ou du métal, ou du rock, on va dire, un peu alternatif. Alternatif, et nous, on est vraiment à côté, mais on aime bien ça. La musique évolue avec le temps. Les nouvelles compos sont un petit peu plus tirées entre le grunge et le stoner. C'est un mélange des deux. On travaille dans du côté stoner, mais toujours avec notre petite pointe de grunge derrière. Et puis, je pense que les nouvelles compos vont continuer là-dessus aussi. D'où le nom de Stunge. Voilà, de Stunge. On va s'écouter un titre que vous avez choisi, le premier. Donc, c'est Three Seconds Before. Pourquoi ce titre est... je m'adresse à toi justement, qui compose les paroles, ça raconte quoi au juste? C'est ce qui peut se passer 3 secondes avant de mourir. Waouh, c'est tout un programme. C'est tout un programme, quoi. Donc, je veux dire, c'est une question bête et stupide, attention, parce que je suis bête et stupide aussi. Ça, c'est du vécu ou pas? Parce que bon, des fois, on frôle la mort. Hein. Non, l'écriture, c'est un exutoire, c'est une imagination assez. Débordante. Assez morbide. Débordante, un peu morbide aussi. Morbide. De temps en temps. Non, c'est plutôt un exutoire, et comme j'ai assez facile à mettre à la place des autres dans certaines positions, cette chanson là je trouvais qu'au moment où j'avais fait la base de la musique, je trouvais que ça reflétait, ça allait bien ensemble, en fait c'était le sujet, il s'accompagnait bien avec la musique. Ouais. Ok, ben on va s'écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après. When you just a campfire peel of steel. The blood runs down my chair. It's a bitter end is near. Feel it as bread. Voilà, donc c'était le premier extrait, de, enfin pas le premier extrait de l'album, mais le premier extrait, le premier titre qu'on s'écoute. Voilà. Ouais, voilà. Three Seconds Before, voilà, donc tout un programme avec la voiture qui on se yande en voiture apparemment. Si ouais, j'ai c'est bien ça, compris. C'est basé sur un accident. Ouais, voilà, on ressent vraiment les influences, même le timbre de voix un peu à la Nirvana, à la Kurt Cobain aussi. On voit bien que vous êtes tombé dedans ouais. Quand vous étiez plus jeune. Voilà, justement, ça tombe bien parce que pourquoi avoir choisi le grunge justement, les influences grunge, bon on sait que c'est vos influences parce que vous avez baigné dedans, mais à l'heure actuelle, bon on peut dire comme tu disais tout à l'heure que le grunge est un peu obsolète, vous voulez remettre peut-être ça au goût du jour ou je sais pas, je... Bah, le fait est c'est que ma voix je l'ai pas, j'ai pas choisi quand je chante et que je commence à pousser, ça s'enraille de cette façon là donc déjà il y avait déjà un choix entre guillemets artistique en disant bah voilà ça correspond déjà à ce style. En plus n'étant pas un super bon guitariste, le grunge c'est super cool parce qu'à 4 accords t'arrives à faire une super chanson. C'est vrai. Et donc ça correspond un petit peu à mon niveau de la guitare. Jusque là, voilà, donc ça s'est orienté comme ça. Maintenant, c'est vrai que les titres, et avec le temps, on apprend et puis on évolue aussi dans son instrument, mais c'est vrai que les titres qu'on joue, les nouveaux, sont plus dans une orientation un petit peu plus stoner, comme le titre que vous allez passer. Il y a aussi un petit côté, avec la dernière, la Rainbow Powder, ouais. Qui est un petit peu plus strange, qui est un petit peu plus... comment on dit ça, bon, c'est une atmosphère bizarre un peu. C'est... Ouais, puis on dit quoi, c'est pas psyché, enfin ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est une chanson de drogué quoi. Parce que bon, c'est vrai. C'est vrai. Tout sort là. c'est psyché, moi je joue à poil. Oui, tout sort. Ouais, tout sort. Bon, on a ouvert. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec Rive d'Enfer. Ils sont déjà habitués avec un langage assez très très très. Bah dans RQC, il y a plus quand même. Ça commence. Donc, bon, moi, je vais pas me cacher, je trouve que moi, personnellement, en tant qu'ancien et vieux de la vieille, je trouve que le grunge a tué énormément beaucoup de musicos de mon époque. Je parle de l'époque des années 80, hein, comme pour Sylvain, on avait le glam, ce qui était là, le sleaze. Ouais. Et quand le grunge est arrivé, j'ai rien contre, hein, maintenant chacun a mis à sa musique. Kurt Cobain est arrivé, crank, crank, trois accords, Smick Night and Spirit, baf, ça. Et je veux dire, est-ce que vous trouvez pas que ça a été vraiment une histoire de quelques années, comme on le disait, et puis voilà, c'est mort, quoi. Est-ce que... Bah, je pense qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui est emblématique comme lui, qui va soutenir un mouvement à lui tout, avec un groupe tout seul, et puis ensuite les autres vont arriver en tant que satellite autour d'un truc, et que cette icône-là part, ouais, effectivement, ça dure le temps de sa vie, entre guillemets, de sa vie artistique. Donc c'est... ouais, ça, c'est mort en même temps que lui, parce qu'il n'y a personne qui s'est dit tiens on va continuer dans le même chemin. Ici l'album nous on l'a réfléchi dans un sens, pas dans une idée de copie, parce que tous les compos qu'on a faites, c'est des trucs originaux, c'est des trucs qui sortent de nous, mais plus dans une idée de continuer le travail, quoi. Et c'est plus dans cette idée-là qu'on est parti. En tout cas, moi, dans mon esprit et dans la conception. Ouais, voilà, et puis c'est ce qui est venu naturellement lors des répètes. Voilà, Ben arrivait avec son texte et ses accords, même compo acoustique. Tout de suite, bah, on part naturellement dans le grunge, voilà. Et justement, comment vous composez chez Stunge, est-ce que donc ça naît de chaque fois d'une jam, ou vous êtes chacun de votre côté, ben voilà, moi je vais mettre quelques accords, puis je vais proposer aux autres. Bah, il y a eu plusieurs versions, hein. Il y en a eu au début Ben qui nous a sorti quelques compos personnels à la guitare et à la sèche, et on les a transformés à l'électrique, et puis voilà. Après, on a eu des versions où moi j'ai commencé à sortir un rythme à la batterie, et puis eux se sont collés dessus. Des fois c'est une idée, des fois on a une idée de commencer quelque chose d'assez calme avec et après partir à fond sans arrêter, donc c'est vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment une question d'idée en gros, c'est au moment voulu. Ouais, c'est l'instant T. Il ouais. Y en a un avec nous qui a une idée, il pose son idée aux autres et on essaie de se coller derrière et puis on est parti. Il suffit qu'il y en a un des trois qui est dedans et qui se dit tiens ouais je vais faire ça, bam, et puis l'autre il va répondre, puis voilà, ça va se construire comme ça, c'est naturel en fait. C'est arrivé par exemple. On travaille chacun de notre côté. Voilà. Moi je travaille beaucoup guitare-voix parce que bon, faut que ça aille ensemble et ainsi de suite, et c'est quand même une base. L'harmonie quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des compos comme celle qu'on va écouter après. C'est Ludo qui est venu avec un rythme, c'était moi j'aimerais bien faire un rythme comme ça, ouais ok, bon, on s'est bloqué dessus pendant une heure et puis on est parti là-dessus et puis voilà quoi. Mm-hmm. Après l'histoire elle est venue aussi naturellement. Parce que pour la petite histoire, cette chanson-là, c'est l'histoire d'un mec qui couche qu'avec des vierges. Donc c'est... D'accord, d'accord. Oui. Donc il n'y a pas beaucoup d'aventures. Bon, il est 20h35, il est peut-être l'heure, temps de mettre les enfants au lit. Slasher, on va faire dodo. Non, je rigole. Donc c'est... Justement, tu parles de texte, tu parles... Est-ce que justement... Tes collègues ont un droit de regard sur tes paroles, tes textes, et puis ils disent bon, oui, écoute, ça va, ou tu y vas, tu dis, non, pas voilà. Dire non, on laisse parle faire. Pas anglais. Non, bah non, parce qu'ils s'en foutent un peu, donc ils s'en calent un peu. On demande quand même un petit peu. Bon, le premier, l'idée générale du premier album. Ils se renseignent, voilà, tiens, ça parle de quoi. Mais l'idée générale du premier album, on est parti sur 2-3 chansons où les textes étaient bon, ils les avaient sortis, donc c'était bon. Et puis l'idée du premier album, c'est par rapport à la pochette, il y a quand même toute une recherche là-dessus. C'est des pavés un petit peu pour la révolution, le tag, parce qu'on a tagué sur des pavés de Moucron d'ailleurs, on remercie la ville, on a nettoyé voilà, il y a des journaux, il y a une pile de journaux, ça c'est pour les nouvelles, et du sang qui coule des journaux pour les mauvaises nouvelles, donc tout a rapport avec l'histoire de l'album, parce que toutes les chansons elles ont un fil conducteur, voilà, en gros à la base on voulait appeler ça... faits divers, parce que un peu c'est toutes des histoires de faits divers qu'on raconte dans l'album. Mais bon, en anglais, on n'a rien trouvé de cohérent là-dedans. Donc on. C'est pas les mêmes expressions. Voilà. Mais c'est ça le fil conducteur de l'album. Donc le prochain, peut-être, ce sera un autre fil conducteur. Donc les chansons seront peut-être. Les textes seront peut-être complètement différents. Vous me faites peur quand même quand c'est du vécu. Oui, il y en a un qui couche qu'avec des vierges. ça, c'est Kevin. je ne veux pas savoir qui, je ne vais pas nommer qui. Sylvain, une question peut-être avant de retrouver la chanson, peut-être, je ne sais pas. Écoute, moi j'attends la chanson. Pour après pour pouvoir poser. Ouais. Slasher. Il est calme aujourd'hui, le Slasher. Voilà, on va s'écouter d'abord la chanson, puis après on se retrouvera avec une autre. Ça y est, c'est le coup des vierges. C'est les vierges, on va passer une annonce. Donc si vous êtes vierge et que vous voulez connaître une belle histoire d'amour, venez, les Stunge sont en studio. Voilà, allez, on va s'écouter donc The Kill, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. Donc juste à l'instant, c'était Les Stange avec le titre The Kill. Bon voilà, on attend toujours les vierges devant la porte du studio. Tu l'as dit, il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde à mon avis. Alors voilà, on va les retrouver tout de suite dans quelques... Enfin, dans, tout de suite. Elles font déjà dodo. Il y a école demain. On les retrouvera d'ici quelques minutes. On va d'abord s'écouter deux titres de nouveautés qu'on a reçus encore avec les labels. On va s'écouter donc Labyrinthe avec Bullet. Et on retrouvera tout de suite après une chanson de Sylval. We'll be right back. mais que ça joue, hein. Labyrinthe avec Bullet. Alors il y a des personnes qui nous disent, qui nous font coucou, et il y en a qui nous disent même dire que je suis à 50 mètres de vous dans mon fauteuil. Ramène les bières. Voilà. Alors donc c'était Labyrinthe avec The Bullet. Alors Sylvelle, tu nous as choisi quoi comme premier groupe? Alors moi j'ai choisi le groupe Sinner. Ouais. Avec le titre Road to Hell. Voilà. Donc écoute, je vais pas faire de description parce que je préfère laisser nos invités papoter. Mm-hmm. Et plus de mettre de titres chez eux. Voilà. D'accord. Et voilà, donc j'ai moins, moins à dire sur Sinner. Voilà. Moins exposé. Matt Sinner avec donc son voilà. album qui vient d'arriver, qui s'appelle Tequila Suicide. Beaucoup connu, hein, Sinner. Donc le titre Road to Hell. Voilà, c'est parti. On se retrouve tout de suite après avec les Stones. Eh ben, c'est pas mal ton titre quand même, hein. Tout à fait. Ah, mais voilà. Bon, hein, ah, était... Le Road to Hell est assez... Donc je reprends, hein. Sinner, ouais. Road to Hell. Yeah. Voilà, donc et l'album s'appelle Tequila Suicide. Ça j'étais fait... troublé. Ouais, c'est, tu es troublé par... on attend toujours les vierges, c'est pour ça. Ouais, voilà, j'étais perturbé, là, je sais pas. Voilà, donc on se retrouve avec les Stones. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé un petit peu votre livret, hein, à l'intérieur. Et en plus, c'est vrai que ça m'a percuté. Donc, il y a deux guitaristes. Vous fonctionnez à trois ou ouais. Formule concert, vous invitez un pote pour jouer de la basse ou il n'y a pas de basse? Il n'y a pas de basse. Il n'y a pas, de basse. Par contre, on l'entend sur l'album. C'est ça qui est assez marrant. Quoi. Pas du tout. Il n'y a pas de basse du tout? Non. Pas du tout. Ou alors, il y a quelqu'un qui joue plus... Rien du tout. Non. On a travaillé pour récupérer la perte, on va dire, des graves. D'accord. Avec le studio, il a travaillé pour récupérer le maximum dans les guitares et dans la batterie. Mais il n'y a rien qui a été rajouté. On voulait que l'album il soit assez représentatif de ce qu'on joue en vrai, en fait. On voulait pas un album qui soit trafiqué outre mesure. Oui. Tu sais, auto. Tu parles bien, j'adore. Ouais, je sais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être sérieux. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais justement, toi qui es batteur, oui. Est-ce que ça ne te pose pas justement un problème de pouvoir suivre un rythme? Parce que généralement, ce qui s'accorde généralement comme il faut, on sait bien que c'est basse-batterie. Voilà, est-ce que ça ne te pose pas des petits problèmes? Le truc assez marrant, c'est que moi je suis un jeune musicien, on va dire. Ça fait peut-être 5 ans, on va dire ça. Ça fait 5 ans que je joue, sur un coup de tête, je me suis décidé. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je me suis décidé... tout seul, sans cours, donc voilà, j'ai appris d'oreille, et j'ai toujours joué avec des guitaristes. Et ensuite, donc on a commencé un petit peu à jouer ensemble, on a créé quelques morceaux, donc j'ai pas ressenti le manque, parce que je l'ai jamais vécu. Et par contre, après on a eu un bassiste, j'ai fait une petite dédicace à Jérémy Plancart, qui joue dans les Young's Trouble, qui est venu jouer une petite année chez nous, et c'est vrai que oui, je savais plus facilement de me reposer, mais je vais dire, je me repose beaucoup à la voix de Ben, et à sa guitare rythmique, parce que c'est lui qui fait la rythmique. Et bon, à force de jouer les morceaux, après, ben, je vais dire, je me fie un petit peu à moi quand même, quoi. J'essaye de... Mais c'est vrai que ça fait un petit manque. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, t'as pas le choix. Voilà, j'ai pas déjà, le choix. T'as pas le choix. Et je trouvais que la basse, elle arrondissait un peu trop les morceaux. C'était moins... moins brut. Ouais. C'est devenu après plus... Il y a des gens qui nous ont dit, tiens, ouais, c'est bien la basse parce que ça donne du corps, mais par contre, on perd le côté un peu agressif de la musique. D'accord. Donc, surtout en live, quoi. De ce fait-là, comme on s'entendait super bien avec Jérém, et que... Après, voilà, un groupe, c'est aussi des gens, des personnes qui se côtoient, donc on doit être dans la même idée, dans le même humour à la con, dans le même esprit. Et c'est difficile de trouver des gens qui nous supporte. Voilà. Et... surtout toi. C'est surtout ça qui est difficile. En fait. C'est ça qui est compliqué. Et donc voilà, on s'est dit, bah, on va s'arranger autrement. Et puis au lieu de partir à la guerre et de tester 1 million de personnes et stagner, tu sais, ne pas avancer, bah, on a préféré avancer de notre côté et faire. Et puis c'est pas une science exacte, hein. Il y a d'autres groupes qui jouent sans basse. Et puis, ah voilà, oui, non, quoi. C'était juste la question. Voilà, allez, on le dit souvent, c'est pas une science exacte. Et puis bon, on aime bien comme ça. Et puis on avait commencé à 3 comme ça. Puis Jérém, il est venu pendant une année, donc c'était bien sympa parce qu'il est quand même relativement fandard comme garçon. Et après, il est reparti. Donc pour finir, on s'est retrouvé comme au départ en fait. D'accord. Et on s'est dit, let's go. Un avis sur les bassistes, tu veux? Si tu veux, oui, allez. Bah, moi, je suis d'accord avec eux, à la limite. Limite, hein. Parce que, comme je suis très j'aime très fan des bassistes... Ouais. Hein, attention, vrai, en général... Je suis à côté, faites pas les coups. En général, le bassiste, chez moi, il est très important, c'est vrai. Néanmoins, souviens-toi d'un concert d'Avatar qu'on a vu, que le bassiste est absent. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça t'a choqué? Non. Non, personnellement non, mais bon... Par contre, c'est sûr que dans des groupes, tu entends énormément, ouais. Certains groupes, tu entends ouais. énormément la basse. La basse. Ouais. Mais ah, ça oui, dépend si elle est absente, excuse-moi. Ouais, non, pas de problème. Comme moi, je prends un exemple, j'ai des amis qui ont un groupe de trash français, s'ils n'ont pas le bassiste là-dedans, ça manque. Ça manque, oui. Ça va voilà, pas parce que lui fait un petit peu de temps, et c'est du trash, hein, bien violent. S'il fait son solo basse, s'il a pas, ça fait con. Voilà. Mais voilà, mais parce que les morceaux ont été créés avec un bassiste. Voilà. Et nous, voilà. On a créé sans bassiste. Et nous, et voilà, nous, on s'est fait la réflexion. On a déjà été voir des potes de groupe de Moucron ou quoi. Et ça arrivait que le bassiste, il y avait un problème avec son câble. Il allait boire des pains, Je te jure, la vérité. Ils étaient occupés, jouaient normal. Il y avait du monde. Le mec, il s'est dit, j'en ai marre, je vais aller boire des pains. Il est parti pendant 2 minutes. C'est là qu'on s'est dit, voilà, c'est pas obligatoire. Je pense qu'il se reconnaîtra si nous. Dédicace à toi, Jérém. Mais pas le même. Mais pas le même. L'autre poilu avec les longs cheveux. Des hommes poilus avec des longs cheveux. Bon, oui, ça va. Justement, est-ce que vous comptez. Donc la formule marche très bien à 3. Est-ce que peut-être pour. Vous comptez prendre un bassiste. Est-ce que vous comptez plus tard, si par exemple on vous propose des choses beaucoup plus attrayantes pour votre groupe, ceci est un message. Le petit Jérémy est entendu à la cahier. Par ses parents. est-ce que vous comptez, si on vous dit, on peut mieux vous encadrer si vous prenez un bassiste, est-ce que vous feriez cette démarche ou pas? Ou vous préférez rester à vous éclater comme ça en... Non, je pense que en termes. Faut pas rester bloqué, je pense. Faut rester ouvert. Moi, mon avis perso, faut rester ouvert. Faut avoir au moment voulu les conditions. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Voilà, faut voir au niveau artistique ce que ça apporte. Si ça apporte un plus, faut vraiment voir ce que ça va nous apporter. On ferme pas la porte à quoi que ce soit. Au contraire, si on peut faire encore des trucs encore plus cool et que ça apporte quelque chose, c'est vraiment chouette. Autant laisser les portes ouvertes plutôt que les fermer. Mais maintenant, si c'est pour coller un bassiste par rapport à ce qui est déjà existant et pour dire, tiens, sinon tu prends un bassiste, tu feras ça, non. D'accord. Si ça marche déjà comme ça, ça marchera après. Mais Alors, malheureusement, vous m'avez annoncé que vous avez perdu une personne proche. Oui, alors. Bridget, que vous pouvez un peu nous en parler de Bridget? Bridget, ça a été une des premières copines de Kevin. Ouais. Je l'ai aimée. J'ai chéri. Elle est venue à un premier concert, ça a été le coup de foudre tout de suite. Il a surtout rempli. Je dis rempli, c'est vrai. Ça volait, il a pas mal gonflé. Il a bien gonflé. Il a même pas mal gonflé. À la fin, j'avais le truc, hein, quand même. Ah, il avait des petites rustines, il en prenait soin, quoi. La Bridget, elle est décédée ici, dans un dernier concert à tourner au Cornwall. Grâce à Moucronois d'ailleurs, qui s'appelle Rats, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais ils sont connus. Un coup de butoir en bois. C'est la vérité. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lui rendre hommage à Bridget, elle a une page Facebook. Il suffit de taper dans Facebook Bridget Trewix et vous allez tomber sur son profil. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui était très bien, qui était bien très reconnu, ouvert, très ouvert, très convivial. La première à aller dans les jams, à sauter dans plus les. Plus ouverte même à voir. Elle a fait pas mal de pogo, des jams, elle s'est bien éclatée. C'est clair, elle a partagé nos scènes. Ce que j'aime bien chez vous, c'est quand même, il y a un humour quand même qu'on sent. Il n'y a pas de prise de tête, et ça, c'est pour moi, je trouve que c'est quand même important. Parce que on fait de la musique déjà, dans un premier temps. Pour s'amuser, on se prend pas pour une rockstar. Moi, personnellement, c'est ce que je conseille à tous les jeunes qui débutent, ou même qui ont déjà quand même. Qui ont 4-5 ans d'expérience. Maintenant, vivre de la musique, il faut vraiment avoir le cul bordé de nouilles. Naître avec une cuillère en bouche, comme on disait souvent avec Sylvain. Donc, c'est pas se prendre la tête et faire ce que vous aimez, quoi. Ah ouais, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est de rencontrer des gens. Le but, c'est d'aller dans des endroits totalement improbables, de rencontrer des gens totalement improbables. Et ça, franchement, on a eu pour l'instant notre part. Le but, c'est de bouger, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment. D'avoir quelque chose de sain, et c'est de partager surtout, d'avoir quelque chose que t'as créé toi. Déjà, je trouve ça super cool quand les gens ils viennent me dire putain, c'était cool. Rien que ça, c'est super. Cool. Déjà, là, je vous écoutais parler avec Sylvain tout à l'heure. Vous avez quand même joué avec des groupes quand même qui tournent pas mal dans la région. Oui, si, c'est vrai. Les Overdriver, j'ai entendu parler. On joue avec Socrate. Et tout ça. Donc, vous avez quand même, comme je disais, de la bouteille. Quoi. Donc, c'est bien. On commence. On commence. On commence à avoir des bonnes bouteilles de 33. On va bientôt attaquer les bouteilles d'un litre de Jack. Puis après, ce sera cool. Attention, on connaît des gens qui ont fini très mal, malheureusement, avec les grandes bouteilles. Prenez un Bob, les amis. Ou prenez une Bridges qui s'est conduite. C'était. Ça, on aurait dû faire ça, en cas de contrôle. Regardez, il y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y a une Bridget qui pilote l'avion. C'est vrai. Mais bon, il faut. Ça devrait être de série, moi. Je trouve la Bridget de série, ça, c'est un concept à faire. Il faut connaître qu'à Moucron, les Bob se font un. Alors, on va s'écouter un troisième titre, Neuroleptique. Pourquoi ce titre? Alors ça, c'est une histoire, c'est ce qui peut se passer dans la tête d'un fou, en fait. Je me suis toujours dit, tiens, ces mecs-là, ils n'ont pas conscience, ils ont leur réalité. Attends, mais tu me fais vraiment peur, là. tout à l'heure, c'est 3 secondes avant de mourir. Après, on se fait les vierges. Et maintenant la tête d'un fou. Écoute pas My Favorite Song. je me suis toujours dit, tiens, ces mecs-là, ils ont leur réalité, quoi. Ils sont leur monde. Pour eux, ils sont normaux. C'est des gens, c'est toi qui est bizarre. Ça, c'est son histoire. Hein. Et... Il veut pas le dire, mais c'est son histoire à lui. Hein. Et voilà, je trouvais ça super sympa de faire un truc. Bah tiens, c'est pas de ta faute d'être comme ça, parce que en fait, t'es toi, quoi, c'est tout. D'accord. On est tous un peu fous. Ouais. On a tous notre. Wow. On a tous un peu notre grain de folie, hein. Madame. Non. On, voilà, va ça, ouais. On va s'écouter une neuroleptique. Et là, vous m'avez dit qu'on va un peu plus le classer un peu style Offspring, c'est ça? Ouais, un peu plus. Un peu plus, voilà, un peu plus ses influences, là, quand même. C'est. Je vais pas dire du skate punk, mais un mélange, quoi. D'accord. On va s'écouter ce titre, après on se retrouve, les amis, d'accord? Oui. Yes. Voilà, bah, tout ce qui se passe dans la tête d'un fou, je ne sais pas, il doit s'en passer quand même des choses. Hein. Ah, c'est rigolo, hein. il voit la vie autrement que nous, bah, je suis sûr. Ouais. Ah, oui, c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Il doit s'amuser. Justement, on parlait aux antennes, on parlait comme ça de groupes qui vous ont influencé, notamment tu m'avais dit j'écoutais Guns, puis après j'écoutais Nirvana et ça m'a mis une claque. On vous donne l'opportunité de jouer avec un groupe je vais m'adresser d'abord à toi, de jouer avec un groupe, soit de jammer avec le groupe, ou soit de faire la première partie. Tu choisirais quel groupe ? Ouais, ça peut être personne morte ou presque mourante aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Ouais, non, mais je rigole, mais à chaque fois on dit que Keith Richards va y passer, quoi, tu vois, c'est ce que je veux dire. Bon, on les laisse le plus longtemps vivre à toutes les personnes, je veux dire, voilà quoi. Mais ce serait qui, par exemple ? My Brand Ouais, My Brand. Non, non. Bah, moi ça va être assez bizarre parce que. On a dit pas le grand Jojo. Ah merde. On a dit que t'allais pas la placer. Non. Non. Enfin, à la base, je suis entre guillemets guitariste blues. J'ai appris à jouer le blues et tout ça. Donc, ouais, si quelqu'un serait encore vivant et mon rêve, que je rêverais de jouer avec, ouais, Jim Hendrix. Voilà. Mm-hmm. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on joue, mais. Je m'attendais peut-être à B.B. King, tu vois aussi. Oh. Ouais, il prend. Ouais, hein. Les deux, quoi. Non, il prend. Si B.B. King est même pièce, il prend. Hein. Ça, c'est... Alors, je fais la basse. Ah, moi, c'est plus compliqué vu que je fais la batterie, mais moi, il y a un musicien, je suis fan absolu de ce mec-là, c'est Dave Grohl. D'accord. Ouais, c'est. Ah, moi, je trouve que c'est un. Tout ce qu'il a touché, c'est. Bon, Foo Fighters, voilà, il y a des moments où j'aime moins, mais je trouve que quand il a joué dans Queen of the Stone Age, c'était une tuerie. Ça, c'est un des groupes que j'adore. Mm-hmm. Je suis fou de ce groupe. Maintenant, c'est un peu le groupe référence pour moi. Ouais, Dave Grohl, quand même, franchement, dans n'importe quel truc où il jouerait, je pense que je serais même derrière lui, je serais heureux, quoi. Tu vas aller voir les Foo Fighters, alors ? Bah moi, c'est toujours le problème avec les dates de concert, c'est que je m'y prends toujours très tard. Mais ouais, j'aimerais bien aller les voir, ouais. Mais je préfère aller voir les Queen of the Stone Age, tu vois, bizarrement. Mm-hmm. J'adore ce musicien, mais ouais, à la rigueur, jouer, non. Queen of the Stone Age quand même. Dave Grohl en plus qui a rencontré un grand bassiste hein, qui est un regretté personnage que Sylvain adorait qui était Lemmy il adorait se voyait au Rainbow tout le temps pour discuter ensemble. Tu vois ce que tu disais, ce que j'aime bien avec Dave Grohl, c'est que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Justement, c'est quelqu'un qui est vachement rock'n'roll parce que quand tu le vois un petit peu en dehors de ces trucs là, c'est encore le gars qui va dans la fosse voir Soundgarden. En concert, il est au milieu de tout le monde, il n'y a pas de garde du corps, il s'en fout. Il a fait une tournée dans les garages pour ses fans avec Foo Fighters, je trouve ça génial. Non, c'est justement un mec que je trouve qu'on doit avoir beaucoup de respect, de s'inspirer de lui, parce que c'est une superstar et il n'y en a rien à kicker. Ouais. Je trouve ça génial. Et toi ? Moi, je vais lancer une bouteille à la mer avec Triggerfinger. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Avec Triggerfinger. Ouais. Moi, je reste... Je suis un petit côté national. J'aime la Belgique. Je trouve que c'est un excellent groupe qu'ils ont sorti vraiment des vraiment chouettes trucs. C'est des showman à mort. Et j'aimerais franchement faire une première partie avec eux parce que non seulement l'affiche ça se tiendrait et en plus je pense qu'on se marrerait bien. Ouais, carrément. Ils sont bien barrés aussi. Donc. Ouais, ils sont super plutôt, sympas. Ouais, avec Triggerfinger. Ouais. Ah, quand on a été les voir à Tourcoing, c'était. Ouais. On les a rencontrés au Grand Mix à Tourcoing. Alors, ouais. C'est assez marrant parce qu'on était en France, donc c'est pas un groupe qui est spécialement super connu en France, et il y avait que des Belges. Et on était vraiment juste à côté de la scène, en Belgique c'est impossible. Tu vois les festivals qu'ils font, ils sont des millions. Et là tu te dis, bah t'es tout prêt, à côté, tranquille. Et ils ont été super sympas. On a eu le temps de parler avec eux. Franchement, très bon groupe. Et puis des showman, ça c'est certain. Vraiment des. Mm-hmm. Un peu la référence en Belgique à ce niveau-là. Alors, Sylvain qui a pu se plonger un peu dans le livret. Hein. Oui. J'ai pas trouvé. Elle est en air sortie. Tu m'as dit. Je n'ai pas trouvé. 2 cm. Il faut lire la dernière page. Regarde bien. Il y a l'explication. Non, juste attardé. Tourne un peu la page. Voilà. Et regarde, il y a l'explication de chaque musicien. Il faut bien lire. D'accord, il faut lire des explications et tout. Donc. D'accord, bon. Ouais, il y a des petits trucs sympas dans le livret aussi. Ouais. Donc c'est la preuve que peut-être vous êtes vraiment pas tout seul dans la tête. Mais bon, c'est rien. Non, mais ça c'est certain. Hein. Slasher, peut-être une question, peut-être comme d'habitude, tu as une petite question à poser au groupe. Allez, tu peux venir poser ta question. On va pas te manger. Hein. Ah non, mais il est habitué à pas vous tracasser. Hein. Non ? Allez, réfléchis pour ta question après, alors voilà. Vous arrêtez quand ? Ah non, mais tu verras, la question, elle viendra. Un petit message. Alors, Sylvain, en regardant un peu le livret, comme ça. De plus près. De plus près. Ça voilà. T'inspire quoi? Bah écoute, oui, du dégoût, de la répulsion, envie de vomir. Non, ça va, j'ai pas encore la gastro. Tu as pu découvrir mon corps sur en photo. ACD acheté, une gastro offerte. Non, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Puis il y a des petits messages où. En fait, c'est pas des messages, c'est des phrases de musique. Ouais. De musique, ouais. Je suppose, hein, c'est ça. C'est hein, les ouais. paroles de texte. Les paroles. Non, les photos sont bien. C'est sympa. Alors, parlons, on va parler un peu des photos. Oui. Ouais. Parce que bon, on a quand même la chance, on a beaucoup de chance parce qu'on connaît. Bon, on est con, mais quand les gens ils nous aiment bien, comme on est con. c'est ça qui est c'est cool. Pour ça. Et on a bah, c'est peut-être ça ouais. qu'on nous aime bien, justement. C'est ça, c'est ça. On se comprend bien. Vu qu'on se comprend bien, ça, je pense que c'est ça. Et toutes les photos qui ont été faites, notamment il y a quelqu'un à qui je voudrais dire un grand merci, c'est Sébastien Feutry qui a commencé à photo. Alors, d'après ses dires. Voilà. Je vais aller un petit peu montrer à la caméra. Ah, mais, vas-y, fais donc la promotion, merci. grand bien te fasse. Sébastien Feutry. Il a commencé à faire, donc il était déjà photographe à l'origine, c'était son attends, explique convenablement. En gros, mais ça y est. Non, mais t'expliques. Ça y est. Bah vas-y, et après, voilà, ils vont commencer non, à s'engueuler. Non, mais en gros, c'est parce que. C'est par rapport au 15. Vas-y, va t'empêcher. Oublié. Bah oui, c'est ah non, ça, moi, c'est pour ça que je t'en donc en gros, vite fait, je vais vite expliquer. C'est moi, j'organise à Moucron le Kerzenburger avec les vieilles voitures au lunch, là, tous les d'accord. mois. Et voilà, je l'ai rencontré là, il était venu faire des photos de voitures, et en discutant avec lui, je lui ai demandé si ça l'intéressait pas de venir faire des photos de mon groupe. Et c'est comme ça. On l'a rencontré et maintenant tu peux continuer. Et donc c'est comme ça qu'on l'a rencontré et depuis là il vient régulièrement faire des photos. Alors, on a de la chance parce qu'à chaque fois qu'on fait un concert il est là, il nous prend des photos et on a des beaux tirages, donc tu sais pour mettre sur une page c'est con, mais le fait d'avoir 2-3 belles photos et ainsi de suite, c'est super c'est chouette super, quoi. Ouais. Et on a eu une autre chance, mais ça je vais te l'expliquer à nouveau pour parce qu'en fait Ludo lui c'est Relation People. Ouais, c'est Relation People, man. Le mec il connaît la moitié de la Belgique. Non, et bon pour la pochette de l'album, bon parce qu'on était super content de Seb pour les photos du live qu'on a dit qu'on allait mettre dans l'album, mais pour la pochette on voulait quelque chose d'un peu plus travaillé. Et c'est aussi un très très bon photographe, il s'appelle Charlie de Soubry, qui est de Moucron d'ailleurs, qui a sorti il n'y a pas longtemps un livre, Bunny Woman. C'est un comics book qui traite du harcèlement de rue. Voilà, qui sort un petit peu avec ce que nous on fait. Et il y avait un concept. Ah, parce qu'on harcèle les gens, non? Non, mais j'ai été harcelé dans 2 minutes, tu vois. non, mais il y avait un concept sur une photo, il m'avait déjà montré un petit peu, c'est un pote à moi, et en voyant le concept, de ce qu'il faisait sur ses photos, je me suis dit, ouais, ça pourrait coller pas mal avec une pochette. On a parlé du projet autour de bière, d'alcool, bien sûr, avec modération. Il était pas là un jour, mais il a eu de la modération. Et c'est lui qui nous a fait cette magnifique pochette. Voilà, qui est un vrai tirage et qui a été retravaillé à l'ancienne. C'est pas quelque chose qui a été vraiment fait avec du numérique. Et ah non, on voulait garder un peu ce côté, toujours ouais. Un peu années 90, le côté un peu cras, tu vois, des pochettes de grunge. Qui correspond au nom de Stunge. Quand on voit la pochette, quelque chose qui sent pas très bon. Voilà. On voulait que quand les gens voient la pochette, ben ils savent à quoi s'attendre, quoi. Ouais. Est-ce que justement pour vous, en parlant de pochette, comme tu dis ça, tu dis que si moi je vois votre album dans les bacs, je peux me dire plutôt que ça va avoir un son plus stone ou grunge justement. Est-ce que tu crois que maintenant les gens vont s'arrêter à acheter un album grâce à la pochette? Je pense que la pochette peut avoir un attrait si elle est bien faite. Si, je pense que si visuellement, et si tu as un petit côté, si tu vas chercher un CD, c'est que tu aimes bien la musique, donc quelque part tu as l'habitude de voir certaines choses. Je pense que si la pochette est bien travaillée, qu'elle attire bien, que c'est des bonnes couleurs, que c'est un peu dark, comme c'est présenté là, elle va t'interpeller. Tu iras pas en disant tiens je vais aller dans le rayon grunge chercher un truc, non, tu vas aller voir peut-être la pochette dire tiens c'est quoi ça. Alors évidemment faut avoir l'esprit ouvert, faut avoir le côté justement de pas fermer des portes, d'être ouvert d'esprit pour aller tester des choses inconnues, ce qui est quand même, ça c'est quand même un gros souci quand tu fais pas de la reprise, parce que quand même les cover bands c'est super technique ce qu'ils font, mais c'est quand même plus facile à vendre que quand tu fais tes propres compos et ainsi de suite. Et c'est là où on s'est dit, ben voilà, c'est un tout, cette pochette, je pense que c'est rouge, ça attire l'œil, c'est un peu dark, c'est un peu cras, c'est... Voilà, je pense que c'est... C'est réfléchi comme... On a tout réfléchi, ça, ouais, on peut pas dire autrement. Je pense qu'elle aura pas à rougir à côté de Trabzon, ouais. Je pense qu'on peut mettre ça dans un bac, dans des grands trucs de distribution, ça fera pas tâche. C'est pas un truc qui est fait de briquet de broc, c'est fait par un professionnel, et ça se ressent, moi je pense, au niveau du design du... On parle bien du design, la musique c'est autre chose. Ah, mais ça, ça on s'en fout, du moins qu'ils ont acheté après. Ok, on va là, on va donc c'est bientôt l'heure de la. Enfin, on a dépassé l'heure de la balade crapuleuse qu'on jouera tout à l'heure, mais vous avez aussi votre petite, comme tu m'as dit, un peu une balade. Exactement. Mais moi j'adore le titre de la balade déjà. Nous on a fait une chanson d'amour, une belle chanson d'amour. Qui parle en fait des nanas ou des mecs qui nous ont largués comme des chaussettes. Et tu me fais vraiment peur. Des nanas ou des mecs qui nous ont largués. Écoute, c'est vraiment son histoire, hein, l'album, on s'en rend compte. Il faut rester ouvert. J'ai dit, moi je vais faire mon aucune porte. T'es aware. T'es ouvert. Il est aware. Il est aware. Et donc voilà, elle s'appelle Fuck You parce que Fuck You. Je m'en doutais que c'était ça. Parce que Fuck You, va te faire foutre parce que tu m'as largué, va te faire foutre. Et je trouve que ça allait bien ensemble. Quoi. On va s'écouter votre balade et puis après on interviendra dans la balade de Rive d'Enfer. Voilà. Alors on s'écoute donc Fuck You. Donc c'était une balade assez mouvementée, mais bon, une balade quand même. Hein. Ouais, ça se finit jamais bien. Ça se finit jamais bien. Voilà, c'était Fuck You. Ben, nous, maintenant, il est l'heure de passer notre balade un peu décalée de 20 minutes, mais c'est pas grave, on a des invités, c'est ouais, très quand bien. On a des invités, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, et c'est bien aussi. Et on va s'écouter Britney Fox, un groupe qui a marqué les années 80, c'est ce que je disais tout à l'heure, 88. Ils étaient à l'apogée, et là, on va s'écouter Save the Week, la petite balade de ce lundi. On se retrouve tout de suite après, les amis. Take c'était la balade crapuleuse avec les Britney Fox avec Save the Week, année 1988. Alors là, il est l'heure de retrouver la Slasher Song un peu décalée. Hein. Alors Slasher, tu nous as préparé quoi et pourquoi ? Je vous ai concocté une chanson que tout le monde connaît, un groupe que tout le monde connaît. Ici à cette table, c'est Von Halen. Et donc du coup, Von Halen, c'est un groupe qui était formé en 1972, un groupe américain avec Eddie Von Halen à la guitare, Alex Von Halen à la batterie, David Lee Roth au chant et Wolfgang Von Halen à la basse. Et là, ça nous vient de l'album A Different King of Truth et on va s'écouter la chanson Away Baby Sweet Doll. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on s'est fait un plaisir, on se l'est pris. Voilà. Juste une petite parenthèse, c'est le retour justement de David Lee Roth juste après le départ de Sammy Hagar dans Van Halen. Et il faut savoir aussi que Wolfgang, il a repris la place de Mike Ottoni, qui était le bassiste d'origine de Van Halen, qui lui est parti avec Chicken Foot, qu'on vous a présenté dans l'émission. Donc on va s'écouter ta Slasher Song et pour se retrouver tout de suite après pour continuer notre petite interview. T'es d'accord ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. You're the one that I want, or I don't want one at all. Honey, baby, my heart's aflame, I'm all pumping you to blame. Honey, baby, sweetie girl, when you count the ways, you rock my world. Stone Cold sister, soccer mom, muchacha, amiga, cherry bomb. Baby lover, angel faces, sound dumb, you straight up faces. I'm a bad little cowboy, send me to your room. Let's get started, let's not stop soon. I'm all like the ocean, when the moon is full. I'm a face grenade, when the sex can roll. Baby lover, angel faces, sound dog, you straight up faces. Baby Hampton's kinda lost and sorta rich. I dig both and I don't care which. You're gonna make me crash, Florida trailer trash. That's the switch. We'll be right back. Alors voilà, Slasher, sans que c'était. Donc c'était Von Allen avec Honey Baby's Sweet Doll. Voilà, donc on se retrouve avec les Stunge. Voilà, merci d'être là. Hein. Donc votre album est sorti quand exactement? Ben, il va sortir le 1er avril. Ce que vous écoutez là, c'est en preview. C'est un poisson d'avril alors. Exactement, ça pue le poisson. Ce qu'on te disait, tu vois, on se prend vraiment pas au sérieux. Même la sortie de l'album, on l'a sorti le 1er avril. D'accord. Non, c'est vrai. Il n'est pas encore sorti. En fait, il n'y a pas d'album. Il n'y a pas d'album. En réalité, c'est. Bon, allez, on va vous dire, c'est Sylvain et moi qui chantons et qui faisons de la musique. Donc voilà. Non, blague à part. Justement, pourquoi avoir choisi cette date le 1er avril, justement pour marquer le coup en disant ben 1er avril ça risque peut-être plus d'attirer les gens, ils vont nous dire ben ouais, ils sont toujours dans le même esprit d'humour et tout ça, et peut-être que ben voilà, ils continuent sur leur lignée, je sais pas. Hein. On va faire plus simple, en gros, l'album on l'a depuis un certain temps, mais le problème c'est que, comme on t'a expliqué, on travaille tous, c'était difficile de trouver une bonne date pour tout le monde, et on voulait faire une belle soirée, donc ça prend du temps, et on pouvait pas faire ça à l'arrache, donc on a pris un peu plus de temps que prévu, et on a regardé une date qui était bien en début du mois, pas trop tard, pas quand c'est tout déjà des festivals à droite à gauche, donc on s'est dit en début d'année, et puis bon, bah on est tombé sur le premier, et puis on s'est dit bah c'est un signe, bingo, ça doit être ça, ça doit être ça, et ouais, donc on a bloqué le premier. Et ça tombait avec les disponibilités de la ville de Moucron, parce que voilà, faut savoir qu'on loue la salle Lagrange, et eux ils nous avaient proposé plusieurs dates. Et dans l'autre date, il y avait le 1er avril, et tout de suite, à trois, on s'est dit, ouais, voilà. Le 1er avril, ça a tombé super bien au moment où on a reçu les disponibilités, ça nous projetait de 2-3 mois plus tard, donc ça nous laissait le temps aussi d'assimiler, de faire le cahier des charges, de la feuille de route, pour voir comment on organise, comment on va le faire, sur quel support, sur... Un peu de promo, venir vous rencontrer. C'est indispensable, la promo, hein, à l'heure actuelle, ça c'est sûr et certain. La visibilité. Ouais. Donc c'est une release party qui aura lieu le 1er avril. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des invitations à avoir, ou est-ce que tout le monde peut s'y rendre comme ça? Est-ce que vous n'allez pas limiter justement par un nombre d'invités? Non, parce que je pense qu'il y a déjà... Allez. Il y a cette place. Maintenant, c'est l'entrée gratuite. On le tient. On a justement essayé d'avoir beaucoup de sponsors. On les remercie tous d'ailleurs pour ça. Si vous nous permettez, on va peut-être les remercier un petit peu plus par la suite. Voilà. Moi, je veux dire un grand merci en tout cas au Lunch Express, à Duo Clean, à MDC. Ouais, dans ton cul. Angie. Je sais pas si. C'était pas sponsor, ça c'est gratuit ça. Non, il disait merci flamand dans le show. Thank you. Donc merci à Angie Tattoo, au Café Charlie, à Peck, mon tonton, à Savonnerie Vente de Pute, à Botantique, Golden Vegas, à Dimi, Café Ferdinand, à Nico Renov, à Maxime Vest, Aerotrans, Stéphane Bourgois, W Agency, Look Groove Studio, les établissements Florin, Friterie Joe, Vinalco Drinks, Paris Élysée, FC Construct, nos potes de chez Active Security, Eco Laser, Essential 2, évidemment Charlie de Soubry, notre photographe. Voilà. Donc voilà, un grand merci grâce à eux. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une qualité de d'affiche, et puis parce qu'il n'y a pas que cette soirée là, il y aura d'autres choses durant la soirée. On n'aurait pas pu faire autant si ils nous avaient pas filé un coup de main. Donc vraiment, c'est vraiment cool. Quoi. Et à quoi peut-on s'attendre justement à votre release party justement? Bah, tu peux t'attendre à tout, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y aura des... Même nous, on sait pas trop comment ça va partir. Hein. Est-ce qu'il y aura des Bridgets en chair et en os? Non, je rigole. Écoute, ne parle pas trop. Attention, parce qu'on m'appelle Monsieur le Cougar. Non, je rigole. Très bien, tu vois. Tu seras pas déçu, à mon avis. Non, mais justement, est-ce qu'il y aura des guests, des invités sur scène qui vont venir vous rejoindre et tout ça? Il y aura déjà deux groupes. Il y aura déjà Lily Dolridge qui va venir jouer. Il y aura Burn Teddy Burn aussi qui va venir jouer. Donc, on sera trois groupes à jouer. J'ai un grand merci à eux de s'être montré présent, parce que Lily Dolridge, eux, on les connaît depuis un certain temps. On a déjà partagé une scène avec eux. Et ils font du garage, garage punk. Ils sont deux et ils envoient à deux. Tu vois, on parlait de basse machin. Ils sont à deux et ils envoient comme des porcs. Quoi. Mm-hmm. C'est un truc de fou. Guitare batterie. Voilà. Et c'est Acapog. Je sais pas si tu connais. Et c'est Sandrine qui chante, mais elle envoie vraiment terrible. Et Burn Teddy Burn, eux, je les ai rencontrés simplement sur le net. Et j'ai eu la chance de gagner leur album. Ils me l'ont envoyé, j'ai écouté, je fais putain, c'est un truc qu'il faut absolument qu'on ramène de par chez nous parce que c'est des trucs de fou. Ouais. c'est vraiment un groupe. Eux, ils font du stoner. Ils ont vraiment un super bon univers. C'est entre le corn, la batterie est vraiment énorme. Voilà. Et on a de la chance parce que ça crée une affiche qui est cohérente. Et les gens qui vont venir nous à cette soirée-là, bah, ils vont pas être déçus parce qu'il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura. D'accord. Et le but aussi, c'est qu'il se passe, il va toujours se passer quelque chose durant cette soirée. Ça, c'est le challenge qu'on s'était mis dès le départ. Et c'est ça qui nous a pris du temps aussi à préparer. C'est de se dire, tiens, voilà, moi, quand je vais dans une soirée, j'ai pas envie qu'il y ait de temps mort, j'ai envie que, tu vois, que ma tête, elle aille, tiens, il y a un truc qui se passe par là, tiens, ah, ça commence à jouer par là, tiens, les chopes, elles arrivent. T'as... Tu vois, c'est. Donc voilà, on a construit cette soirée dans ce sens-là. Et ça a permis, voilà. D'avoir une belle affiche qui est cohérente, et ce qui est franchement pas évident de nos jours d'avoir des groupes que tu peux inviter dans une soirée et qui vont constituer ta colonne vertébrale, se dire ouais, t'as, j'étais à cette soirée là, c'était énorme parce que ça a été bon du début ouais, jusqu'à la fin, vrai. Tu vois. Nous on a déjà joué avec des groupes totalement improbables, on a ça, joué avec vrai. Jack Pills. T'as Jack Pills qui joue avant toi, tu fais ouais. C'était marrant, on a bien ri, c'est pas ça. Mais tu vois, t'as quand même des gros décalages des fois dans les styles. Et là, on a essayé de trouver quelque chose qui était cohérent sur les trois groupes. Voilà. Parce que... Et le plus important quand même, c'est que le 1er avril, les personnes pourront se procurer voilà. Donc, l'album. C'est ça. L'album titre éponyme. Hein, Sting, ouais. Donc, c'est le 1er avril. Et on peut déjà peut-être éventuellement dire déjà le prix ou vous préférez ouais, pas hein. De soucis, c'est 10€. 10€, 10€ dit titre. 10€ dit titre, donc 1€ le titre, tout c'est en correct, sachant là. Aussi plus qu'il y a correct. Un travail. Voilà. Il y a un travail derrière. C'est ça. Le studio, c'est pas gratos, non. Il faut ouais. Bien le reconnaître. Et puis aussi les nerfs aussi, parce que des fois on si tu savais comment on a enregistré l'album, c'est un truc de malade. On peut raconter ça je sais pas. On peut raconter. Ouais, ouais, si on a été voir le mec de chez Logo Studio, on se dit bah voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on travaille, moi je travaille le samedi, lui aussi il travaille le samedi. Je vais prendre un jour de congé, mais pour le mien, il faudrait qu'on l'enregistre en 2 jours. Et là il fait 2 jours, jamais fait. Ouais, mais c'est possible ou c'est pas possible. Il fait bah. Bon, voici, ouais, si, ok, c'est bon, on signe. Bon, il a signé. On a enregistré en deux jours. On a fait l'album en 2 jours. À savoir que nous, on s'était dit, on arrive tranquillou avec la tasse de café le matin à 9h en disant, bah tiens, on va faire un montage de scène traditionnel, tu sais, ça va prendre une heure et demie. C'était tiens. Notre première fois. Hein. C'était un dépucelage. c'était nous les pucelages. Le gros stress, parce qu'on a commencé réellement à enregistrer, il était 15h. Ouais. Il était 15h. Et là, 15h. Au plus la journée, parce qu'il était pas content sur le son de la caisse claire, donc il avait changé des brôles, machin et tout. Et moi, je devenais fou. parce que le temps, il passait. Avec la somme de travail qui nous reste, en gros, surtout on l'enregistrait. Réellement, en une journée et demie, quoi. Surtout que le programme, c'était aussi de dédoubler les guitares, mais dédoubler dans le sens où il devait les jouer deux fois. À l'ancienne, donc. Et à l'ancienne. À l'ancienne, parce que c'était une table analogique. C'est ouais, ça. Ouais, donc, une fois que les potards, ils étaient mis, on pouvait pas retravailler. Une fois que c'est enregistré, point, quoi. Voilà. Et c'était aussi ce côté-là qu'on aimait bien, qu'on avait choisi ce studio-là. C'était le côté, ben voilà, c'est fait. Et il restera à jamais comme ça, on pourra pas le retoucher. Le côté bien prise de tête qu'on avait eu au studio, c'était notre chanson Three Seconds Before qu'on a joué 300 millions de fois. Et ce jour-là, elle ne voulait pas passer. Merci. On l'a recommencé 10-15 fois. Ce qui était marrant, voilà, c'est ça, c'était la plus simple, parce qu'on la connaît par cœur, et c'est celle qui nous a fait plus galérer en vie. C'est comme toujours. C'est assez marrant. Voilà. Et ben moi, je vous remercie d'être passé. Merci à toi de nous avoir reçus. C'était cool. C'est logique. Nous, on va continuer l'émission. Vous pouvez rester avec nous. Il n'y a pas de souci. On va s'écouter un dernier extrait. Je crois que c'est le titre. The Butcher Song. Juste un mot pour ça. Bah, en fait, c'est le fils du boucher. Donc le fils du boucher. Ouais. Je me suis toujours. Je dis à le conducteur. C'est le fils du boucher qui est un peu fou, qui essaie de se taper. Attends, une vierge loin, et qui dit fuck you. C'est un truc dans le genre. C'est pire. Non, on a toujours des. Bah, on a toujours. Il y a des tueurs en série, des violeurs et ainsi de suite, mais on se met jamais à la place des familles de ces gens-là qui eux sont normaux. Et c'était plutôt une chanson qui va plutôt parler de ces gens qui se rendent compte qu'ils ont quelqu'un de leur proche, mais qui carrément dark, quoi. C'est un peu l'histoire de moi avec lui. Je me rends compte qu'il est complètement ma boule. Et donc, et je trouve ça très intéressant socialement de se dire, voilà, derrière ça, il y a des familles qui ont été brisées à cause des victimes que ces mecs-là, ils ont fait, mais il y a aussi des familles qui ont été brisées parce que c'était quelqu'un de leur propre clan. Tu vois. D'accord. Et moi je trouvais que c'était voilà. Juste un truc, ça va être joyeux comme notre soirée de lancement. Hein. Ouais, on va s'en aller. On va se marrer les gars. Hein. Les paroles sont dark mais on va se marrer. Il hein. y aura peut-être un mort ou deux quoi, c'est tout. Moi je serai là surtout pour la chanson The Kill. Ouais. Moi je serai là pour la chanson The Kill, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin pour votre interview ou lequel va commencer. On vous attend super nombreux, je rappelle, l'entrée elle est gratuite, c'est le 1er avril à la salle Lagrange, pas la boîte Lagrange, c'est à côté de la prairie, je tiens à le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui... voilà. Mm-hmm. La shop est à 2€, ça va être une belle soirée, j'espère pouvoir dire que ça va être l'événement rock régional de l'année. En tout cas, on y a mis tous nos tripes, on y a mis tout notre sueur, et ce serait vraiment cool que vous passiez juste nous faire un petit coucou. Enfin voilà. Voilà, suivant. Voilà, pas grand chose d'autre à rajouter, non, si, j'ai hâte, on a hâte de vous voir à cette super soirée, ça va être une pure folie, on va faire la fête, quoi, donc on vous attend. Ok. Et moi j'attends du monde pour pouvoir me déshabiller. Ah ben voilà, tout en programme. Voilà, on va s'écouter le 5e titre, donc, les amis. Je sais pas. Yeah. Voilà, donc juste à l'instant, c'est The Stunge. On les remercie d'être passés en studio, donc, avec le titre The Butcher Sound. Et on va s'écouter Rictum Raiders on My Back. Et on se retrouve tout de suite après pour la Sylval Song. Voilà, donc juste à l'instant, c'était les Rictum Raiders on My Back. Alors, on se retrouve pour la Sylval Song. Et tu nous as choisi quoi, Sylval? Alors, moi, j'en profite pour dire que ce jeudi à Douai, au cinéma, pour Rammstein, le film, bien sûr, en première partie, il y aura les Headblasters. Oui. Donc, je voudrais dire que ben, il reste encore des places. Il n'y a pas de souci, donc vous pouvez commander sur le site ou venir carrément sur Douai. Je pense qu'il y aura encore des places de disponibles. Donc, Headblaster est un groupe français d'origine Douai-Cambrai. Ils sont à leur EP. L'album va sortir dans peu de temps. Oui. Donc, j'en profite pour leur faire un petit coup de pub. C'est un groupe stoner. Et je vais vous présenter le titre Hangover. Ouais. En parlant juste de Headblaster, on les aura bientôt en studio. Si tout va bien, normalement, nous on les a en studio. Pour le on va dire mois de mai, pour crier gros, voilà. Ben, j'aimerais bien de sortir leur album et de venir avec l'album, c'est ça. C'est ça, voilà. Voilà. Donc Headblaster avec le titre Hangover. C'est parti pour la Sylval Song. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Yeah. Voilà, voilà, donc c'était les... Vas-y, Head Blaster avec Hangover, le titre. Donc je rappelle, concert jeudi au cinéma de Douai, reste des places. Donc ils font la première partie du film Rammstein. Rammstein. Rammstein. Voilà les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. De se quitter déjà. Ouais, et on va vous laisser en compagnie des... Il aime bien de le dire. Des Midnight Monkey Radio Show. Voilà, il est un peu perdu aujourd'hui le slasher, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on remercie le groupe hein, Stange d'être passé, Stange, pardon. Voilà, c'est pas mieux que moi avec Road. Non. Voilà, Katen qui était. On a la fatigue du week-end. Ouais. Ah oui, ça arrive, là c'est. Katen qui a été bien sage aujourd'hui aussi. Voilà, et elle attend avec impatience le carnaval. Là, et elle attend avec impatience de te faire un bisou. De me faire un au bisou. Cougar. Au cougar. Voilà. Allez, on va se quitter les amis avec Saul Staffir, hein, avec le titre Is a Fall, single radio qui vient de sortir. Voilà. Ciao les amis, restez bien branchés car d'ici quelques minutes, on va grimper aux arbres avec les Midnight Monkeys Radio Show. Oui, c'est, je sais, il siffle beaucoup, il y a beaucoup de messages qui diffusent. Hein, et c'est bien. Voilà, donc toujours des surprises comme d'habitude. On va secouer le cocotier. Allez, les amis, allez, bon retour. Allez, bye bye, à bientôt, ciao. Merci. Ciao.